Thank you. Attends, moi j'essaye. C'est bizarre ça. Je dormais à point fermé, je ne voyais plus ton pied, je rêvais réalité, ma réalité m'a pardonné. Lâche l'affaire, lâche l'affaire, allez lâche, lâche l'affaire. Lâche l'affaire. Non, si je branche ma guitare, ça va être le bordel. Hein.